さあ深く呼吸をしてください。 Participation à une nouvelle culture radiophonique. M'entends ? Et là, on fait ça. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, bienvenue au Beau Bizarre pour une émission ce soir consacrée au matin, puisque nous avons préparé en fait un florilège de morceaux qui nous permettent de nous réveiller les matins. On va voir que c'est assez éclectique puisque tout dépend du contexte matinal. Alors c'est un petit peu paradoxal pour une émission qui est diffusée le dimanche ce soir à 23h, mais qui sait, il y a peut-être des auditeurs parmi nous qui se lèvent à l'écoute du Beau Bizarre le dimanche soir. Des gens qui travaillent la nuit, par exemple, ou qui ne supportent pas la journée, ce que je peux comprendre parfois. Donc, cette émission, l'heure est dédiée. Et on va voir avec Fabrice que, et Alex d'ailleurs aussi, qu'on peut vraiment composer une émission très variée sur ce thème-là, n'est-ce pas, Fabrice ? Oui, tout à fait. Varié, mais parfois pas tant que ça, puisqu'on va retrouver sur différents morceaux que quelque part on retrouve des trames qui sont parfois assez similaires, puisque les morceaux qui traitent de la matinée ou de l'éveil ont souvent tendance à mettre en scène un monde de sons qui s'anime au fur et à mesure. On va pouvoir s'en rendre compte d'ailleurs tout de suite avec un premier morceau de Vicky Bennett et People Like Us qui s'appelle Morning, titre un peu plus approprié pour la thématique de cette émission. Et dans ce morceau qui devait commencer l'émission en toute logique, puisque dans ce morceau on est encore un peu dans le rêve, on est encore un peu dans le sommeil, et peu à peu le monde de l'éveil gagne du terrain. Tout de suite, People Like Us. Thank you. morning. Hi there. Valley Ranch. Morning. Just brought the buggy down to town to pick up some young folks, just like you. They're gonna visit out the ranch for a spell. Come on and join us. They're just getting off now. Come on now, kids. Hop on the buggy and let's get out to the ranch for sunset. Ladies, would you lead the boys off? Right now, we're going to get together and give you a tune that we had a lot of requests for. It's our version of Thank you. fun, fun, fun. Dance to jazz for fun, fun, fun. And play jazz for fun, fun, fun, fun, fun. From the start, it had a kind of epileptic charm. It fit at the times. It made jokes and it wept. It laughed out loud. It dozed. And sometimes spoke with regret. Oui, nous venons d'écouter Kid Koala pour un réveil un peu gueule de bois, on va dire, avec ce morceau intitulé Basin Street Blues, tiré de l'album du même nom, sorti en 2003. Il y avait un autre morceau de Kid Koala qui aurait été plus approprié pour cette thématique des chansons matinales, de l'album précédent qui s'appelait Music for Morning People, et qui était un morceau un peu agressif, et ça aurait été un peu sadique de notre part de le proposer pour se réveiller le matin. Donc on a préféré opter pour Kid Koala et ce morceau teinté de jazz. Et on va rester dans la veine jazz avec Joey Barron's Barrondon, avec un morceau intitulé Sitting on a Cornflake. Alors, est-ce que ça vous arrive d'être assis sur des cornflakes le matin? En tout cas, c'est arrivé à John Lennon, puisque en fait, c'est une allusion à un des vers de la chanson I Am the Walrus des Beatles. Beatles. Puisqu'à un moment, John Lennon dit qu'il est assis sur un cornflake. Voilà. On laisse. On vous laisse là-dessus, quoi. Voilà. Thank you.

the river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? He said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day. Son of man, ought to be praying all on that day. I cried, power. Détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être.

Bana si ben, ton gouda moni mo bo la wa Babo, pondanye babo be Di bo la njong masi Beni yende mba mongo ka wudu Yene mbolo e bukinde bwemba wo Woko woko Woko woko Woko woko Lende wa Papa shika pa Woko woko Woko woko Lendewa Nimbana si ben Tungu da kapa mbola wa Udo onda nyemba bobe Ibola njomasi Eni yende mamungo kabudu Yene bolo ene bukinde bwemba bo DJ Amunjami E celebre bo wate di banono O ma bane nyolo nyolo che Nalo ma tingi na bala tu o di banono Bakuto e de guona wo di banono Danse nono di banono Danse nono Bale de guona wo di banono Danse nono di banono Danse nono Banko de Bandeko na yamakuchu Sama e 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sepate kane banana wa Woko woko Ah oh Woko woko Ah mi amor Woko woko Lende wa Atopeti Yami and the number, Woko Wabino Ban is the Bangambo, Woko Woko, Lende. Ah, yeah, Woko. I do me na moba, Woko. Sinamani met the animato pena woba, Lende. Woko. Tani Bangwanato, Woko. You do be nani pan of Vasampa, Woko Woko, Lende. Now that I know the way it goes, you gotta pay back every penny that you owe. 12 years old, in your mama's clothes, shut the blinds and lock up every door. And if you hear someone's coming near, just close your eyes and make them disappear now. Years away finds me here today on my own, no is on my way now. So I send my friend gifts from where I've been, something for the hand I'm never there to lend. Better keep those eyes climbing paradise, and don't pretend you won't reach it in the end now. Now, here with me seems to be the only only time I can see you clearly. I may not know how to treat or give you what you need, but I am a gentleman who says what he means now. And now I sing upon my knees and praise the kindness of a gentle breeze. I see it swell like a story in me to tell, told years away and past my day of dying. So you raise him up to heaven, always hell. They're unaware, share, give a hand to help some, or you give them away, but they'll come back to you someday. Wanna know why nobody was ever there to help them? And no, it ain't fair. And if God forbid you care, it's enough to get you in a whole lot of trouble. I'll realize it ain't wise to idealize, so put your life in the hands of any struggle. Ain't free now. Ella sang, sifting in the sand, like a hymn within to help us understand. Heaven awaits, we're making our last stand, glory bound and sparrow in our hand. Devendra Banhart, Know That I Know, un morceau typiquement réservé au week-end, cocooning avec grasse matinée, petit déjeuner au lit et bon bain chaud moussant. Donc on a un morceau là qui va presque clore l'émission, mais on va quand même avoir le temps de vous passer un morceau encore peut-être plus doux, en tout cas apaisant. Alexandre, je te laisse le présenter. Oui, bah alors il va s'agir d'un titre de John Cage, qui est effectivement un morceau assez doux, minimaliste, dans une veine très très Eric Satie. C'est vrai qu'on aurait pu mettre aussi du Eric Satie, pourquoi pas. Voilà, pour un matin, un réveil de matin un petit peu mélancolique, on va dire. Hein. C'est un morceau qui est quand même assez assez romantique aussi. Sans doute un des plus accessibles de John Cage. Et voilà, il est interprété ici par Stephen Drury et le titre c'est In a Landscape.